du faubourg avait ce goût de miel dont on faisait le tour au fond d'un dernier verre, des petits matins de velours ont croisé son chemin, quelques histoires d'amour qui n'ont pas été plus loin. Oh, silence, c'est la vie qui se balance tout au bout du boulevard qui s'enroule au hasard. Pas besoin de longs discours pour dire que ça va, ça vient. Un jour, c'est le jour dans le faubourg, puis c'est la nuit. Un beau matin. C'est la vie qui se balance. Quand vient le bout du boulevard, c'est toujours un peu trop tard. Et la maison du faubourg, comme un arc-en-ciel, a emmené les beaux jours. Gardez le ciel, vous devez vivre de highway, la pluie. À garder le ciel.